Chapitre 2e, l'homme mystérieux. Le parquet de Troyes, saisi de l'affaire de l'assassinat de Jacques Ternier, avait ordonné l'ouverture d'une instruction. Le procureur, M. Perron, avait commis un magistrat instructeur, M. le juge Bréard. Celui-ci s'était adjoint le commissaire de la brigade mobile de la région, M. Bélanger. C'était un honnête fonctionnaire qui connaissait parfaitement les règles administratives de sa profession. Mais il ne prétendait pas au flair spécial et subtil des grands policiers. Enquêteur probe et prudent, il était sans audace et sans prétention. Il se bornait à penser et à dire « Ne pas se tromper, c'est déjà très bien, et c'est le plus difficile. » Il entendit à nouveau tous les témoins du fait qu'ils ne purent que lui répéter leur déclaration faite à la gendarmerie. Il en résultait que Jacques Ternier avait été tué d'un coup de poignard que personne ne lui avait donné. Selon la tactique classique des policiers, il assista aux obsèques de la victime. Tout le monde y était, et en outre, Henri Brémond, le jeune ingénieur de Troyes, ami du défunt. Celui-ci ne se mêla point aux gens du pays, qui commentaient inlassablement l'événement qui avait ensanglanté leur commune. Le commissaire s'était étonné du soin que l'ingénieur avait mis, le jour du crime, à dissimuler son auto et aussi à se cacher lui-même. Il avait noté cet important détail. Il avait aussi examiné soigneusement l'arme du crime. Elle était très caractéristique. C'était un poignard à lame effilée, avec une garde très simple, plate et nue. Arme terrible, bien que légère, et qui, de fabrication fruste, semblait l'œuvre de quelque artisan. Son enquête sur la victime lui apprit que Jacques Ternier avait fait de bonnes études secondaires, mais était peu pratique dans la vie. Il avait abandonné un emploi de fonctionnaire dans un ministère pour se consacrer à la littérature. Il n'y avait connu que de médiocres succès. Finalement, célibataire et sans fortune personnelle, il s'était retiré dans ce village champenois de Maigrigny. Un vieil oncle, officier de marine en retraite à La Rochelle, avait assuré la vie matérielle de son neveu. À cet effet, il lui avait laissé par donation une petite maison qu'il possédait par héritage à Maigrigny et lui faisait une petite rente. Comme il savait son neveu maladroit pour régler un budget, il lui faisait parvenir chaque quinzaine une petite somme de 1 000 francs. Il n'y avait dans la vie fort simple et quasi monacale de Jacques Ternier aucune intrigue féminine, même pas d'amourette dans son existence. Qui donc eût pu tuer cet être inoffensif? Ni l'intérêt ni la jalousie n'avaient pu armer la main d'un assassin. Le juge d'instruction, M. Bréard, avait ordonné une perquisition dans la petite maison de la victime. On y découvrit nombre de manuscrits inachevés et sans intérêt, une correspondance entretenue avec son brave homme d'oncle, et quelques lettres d'affaires émanant d'un notaire qui lui proposait l'achat de sa maisonnette, lui offrant même une somme rondelette de cette sorte de chaumière. Quelques brouillons de réponses de Jacques témoignaient de son refus en termes négligents, mais formels. C'était tout. Et le commissaire Bélanger conclut que tout cela n'offrait aucun intérêt et n'apportait aucun élément nouveau à la solution de l'affaire. Alors il résolut d'entendre tous les habitants du pays, sans exception. Chacun fit l'éloge du défunt à qui nul n'accordait d'ailleurs la moindre importance, et exprima sa stupéfaction de ce crime sans cause et en outre impossible en raison de ces circonstances incompréhensibles. Il résolut même d'entendre le châtelain Alexis Cardy, qui vivait assez loin du village, n'y fréquentait personne et ne s'occupait que de sciences archéologiques et de recherches botaniques. Le maire l'avait prévenu. « Alexis Cardy est un vieil avare dont le château tombe en ruine et dont le jardin est en friche sans qu'il paraisse s'en soucier. » Il a cherché un moment un jardinier à qui il offrait un salaire dérisoire. Personne du pays n'a consenti à travailler chez lui en ces conditions, si bien que le potager n'est pas cultivé. Monsieur Cardy n'est pas très causant, je ne sais pas comment il vous recevra. « Il faudra bien qu'il me reçoive, » répondit le commissaire. De fait, Alexis Cardy le reçut correctement. Le commissaire se rendit compte que le maire l'avait exactement renseigné. Dans la demi-obscurité d'un vaste corridor, où l'on accédait au bout d'une allée mal entretenue de vieux châtaigniers, une tapisserie qui avait été fort belle pendait effilochée au mur. Par les vitraux de hautes fenêtres en ogive tombait un jour pauvre qui éclairait à peine des panoplies anciennes. Le vieillard le reçut dans sa bibliothèque encombrée de livres, qui traînaient jusque sur le tapis usé et déchiré. Un vrai repère. mais le visage du savant avait, jusque dans sa laideur expressive, fort grand air. Il était chauve, et son crâne poli comme un vieil ivoire était étrangement bossué. Ses sourcils hérissés et sa barbe blanche et pointue lui donnaient l'apparence de ces personnages qu'on voit dans les livres d'histoire. « Vous devez savoir, monsieur le commissaire, dit-il, que je ne me mêle en rien de ce qui se passe dans ce pays. Je vis avec mes livres, qui sont mes seuls amis. Je ne sais de cette histoire que ce que m'en a conté ma vieille servante, qui est une pauvre d'esprit. C'est vous dire que je suis mal renseigné là-dessus et que je ne peux pas vous en dire grand-chose. Vous en savez certainement à ce sujet beaucoup plus que moi. » À ce moment, une jeune fille blonde, fraîche et charmante, et dont la grâce légère étonnait dans cette demeure délabrée et sinistre, entra. « Ma nièce Denise, » fit le vieux savant, la présentant au commissaire, « elle n'en doit pas savoir beaucoup plus que moi. » La jeune fille répondit aussitôt qu'elle avait rencontré Jacques Ternier, parfois dans le pays, qu'il la saluait, comme il faisait pour toutes les femmes du pays, avec déférence, et qu'elle s'apitoyait sur le sort de ce pauvre monsieur. Puis, comme elle demandait à son oncle ses préférences pour le déjeuner du jour, elle s'attira une réponse furibonde du vieillard. « Qu'on me laisse tranquille avec ses insignifiances, qu'on me laisse travailler en paix. »« Je passe, » dit-il au commissaire, « pour un vieux fou. » »« C'est peut-être vrai. Un homme qui ne s'intéresse qu'aux choses mortes du passé alors que tant d'événements bouleversent notre temps est un phénomène inquiétant. Mais rassurez-vous, si je suis un fou, je ne suis pas un fou dangereux. » Le commissaire Bélanger sourit de bon cœur. « Je voulais seulement savoir, dit-il, si vous voyez dans le pays quelqu'un de suspect. Dans le pays, certes non. Et en dehors du pays, ah, en dehors du pays. » Le vieillard semblait hésiter. Le commissaire le pressa. « Sauriez-vous quelque fait qui... Ce serait votre devoir de le révéler à la justice. » « Il me paraît sans rapport avec l'objet de votre visite. Dites toujours, c'est pour vous une obligation. » Alexis Cardi réfléchit une seconde. « Oui. Il est arrivé il n'y a pas si longtemps que quelqu'un a tenté de s'introduire chez moi sans raison valable ou sous un prétexte absurde. Je vous le répète, je ne sais si cela a quelque chose de commun avec l'affaire qui vous intéresse. Il ne s'agit pas d'une personne du pays. Non. » Mais d'une personne des environs qui vient souvent au pays. Mais à quoi bon parler de cela? Parlons-en tout de suite, au contraire. Quelqu'un qui tentait d'entrer chez vous, avec quelles intentions? Je ne sais pas. Mais elle ne pouvait être ni claire ni bonne. Savez-vous le nom de cette personne? Remarquez que je n'accuse personne. Mais cet homme qui n'est pas d'ici a des allures étranges. Il se dissimule, il se cache. Je crois savoir de qui il s'agit. Il m'a été signalé. Dites le nom. Soit. « Mais ce n'est pas là une accusation. Je réponds à votre question. C'est entendu. Le nom. Le voici. Henri Brémond. Vous aurez à Troyes, où il est ingénieur, des renseignements plus complets. » Et le commissaire Bélanger se retira, plus satisfait qu'il ne l'eût espéré. « Allons, se disait-il en sortant du château. Je ne sais pas comment ce crime infernal a pu être commis, mais je commence, je crois, à y voir clair. Je ne suis plus dans le cirage, comme on dit dans notre argot policier. » Et il se répéta lui-même à voix basse. « Henri Brémond. Henri Brémond, l'homme mystérieux. »